Ésaïe chapitre 13. La charge de Babylone, qu'Ésaïe, fils d'Amo, a vu. Élevez l'enseigne sur la haute montagne, élevez la voix vers eux, remuez la main, et qu'on entre dans les portes des magnifiques. C'est moi qui ai donné charge à mes délégués, et j'ai appelé pour exécuter ma colère mes hommes forts, qui s'égaient à cause de ma grandeur. Il y a sur les montagnes un bruit d'une multitude, tel qu'est celui d'un grand peuple, un bruit d'un son éclatant des royaumes des nations assemblées. L'Éternel des armées fait la revue de l'armée pour le combat. L'Éternel et les instruments de son indignation viennent d'un pays éloigné, du bout des cieux, pour détruire tout le pays. Hurlez, car la journée de l'Éternel est proche, elle viendra comme un dégât fait par le Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains deviendront lâches, et tout cœur d'homme se fondra. Ils seront épouvantés, les détresses et les douleurs les saisiront, ils seront en travail comme celles qui enfantent. Chacun s'étonnera regardant vers son prochain, leurs visages seront comme des visages enflammés. Voici, la journée de l'Éternel vient, elle est cruelle, elle n'est que fureur et ardeur de colère, pour réduire le pays en désolation, et il en exterminera les pécheurs. Même les étoiles des cieux et leurs astres, ne feront point luire leur clarté, le soleil s'obscurcira quand il se lèvera, et la lune ne fera point resplendir sa lueur. Je punirai le monde habitable à cause de sa malice, et les méchants à cause de leur iniquité, je ferai cesser l'arrogance de ceux qui se portent fièrement, et j'abaisserai la hauteur de ceux qui se font redouter. Je ferai qu'un homme sera plus précieux que le fin or, et une personne plus que l'or d'Ophir. C'est pourquoi je ferai crouler les cieux, et la terre sera ébranlée de sa place, à cause de la fureur de l'Éternel des armées, et à cause du jour de l'ardeur de sa colère. Et chacun sera comme un chevreuil qui est chassé, et comme une brebis que personne ne retire, chacun tournera un visage vers son peuple, et chacun s'enfuira vers son pays. Quiconque sera trouvé, sera transpercé, et quiconque s'y sera joint, tombera par l'épée. Et leurs petits-enfants seront écrasés devant leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et leurs femmes violées. Voici, je vais susciter contre eux les Mèdes, qui ne feront aucune estime de l'argent, et qui ne s'arrêteront point à l'or. Leurs arcs écraseront les jeunes gens, et ils n'auront point de pitié du fruit du ventre, leur œil n'épargnera point les enfants. Ainsi Babylone, la noblesse des royaumes, l'excellence de l'orgueil des Chaldéens, sera comme quand Dieu renversa Sodome et Gomorre. Elle ne sera point habitée à jamais, elle ne sera point habitée de génération en génération, même les Arabes n'y dresseront point leurs tentes, ni les bergers n'y mettront point leurs parcs. Mais les bêtes sauvages des déserts y auront leurs repères, et leurs maisons seront remplies de fouines, les chats-huants y habiteront, et les chouettes y sauteront. Et les bêtes sauvages des îles s'entre-répondront les unes aux autres dans ces palais désolés, et les dragons dans ces châteaux de plaisance. Son temps est même prêt à venir, et ses jours ne seront point prolongés.